Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 16 janvier. Oui, 16 janvier 1920. On est aux États-Unis. À partir de cette date, les Américains n'ont plus le droit d'acheter, de vendre ou de fabriquer une seule goutte d'alcool. C'est ce qu'on appelle la prohibition. Alors, qui en est à l'origine, Franck, et surtout pourquoi ? Ah ben, à l'origine, il y a les ligues de vertu. Hein. L'idée part sans doute d'une bonne intention, d'ailleurs, de leur part. Dès le 19e siècle, certains pasteurs ont lutté contre les méfaits de l'alcool et tout le cortège de violences conjugales, familiales, etc. L'idée ensuite a été reprise par des mouvements comme le Ku Klux Klan. Petit à petit, certains États vont mettre en place des mesures de prohibition. Ce sont les dry states, ce qu'on appelait les États secs hein, aux États-Unis. En 1855, 13 États sont déjà concernés. Le 28 octobre 19, le Volstead Act, qui cadre ces dispositions, est entériné. Et donc, le 16 janvier, les mesures entrent en vigueur. Il sera donc interdit de fabriquer, vendre, transporter de l'alcool, exception faite quand même du vin de messe et de quelques médicaments. D'où, évidemment, le développement d'un marché noir. Et bien entendu, les contrebandiers d'autrefois cachaient des bouteilles d'alcool dans leurs bottes. On les a appelés les bootleggers dans les pays anglo-saxons. Mais avec la prohibition, ça va être la grande époque des gangsters. Al Capone en tête à Chicago. Les autorités sont vite débordées par ce marché parallèle. Des bars clandestins fleurissent partout, des distilleries artisanales, etc. C'était d'ailleurs un alcool terrible hein, qui sortait de là-dedans. Les Incorruptibles, la série, le film, et puis depuis quelques années, la série télé Boardwalk Empire, installée par Martin Scorsese à Atlantic City, montre la violence suscitée par cette prohibition. En 1933, on vote le 21e amendement autorisant la consommation d'alcool. On a envie de dire, il est un peu tard. La morale de l'histoire, c'est que lorsqu'une loi devient excessive, elle peut devenir contre-productive. À méditer. Oui, tout à fait. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure entière sur le thème des Gaulois. Les vrais Gaulois, hein, pas ceux que nous sommes devenus.